une histoire, c'est une blague. C'est une... Oui, mais qu'il me l'a... je sais qu'il va me le faire. Mais non, oh. Il va me le faire même 30 secondes, tu vois. Mais c'est tellement bon de se faire enculer. Ah, se faire traiter d'enculé. Mais je te jure, c'est pas grave. Je voudrais finir avec ma copine. Oui, oui, ah, c'est ça voilà, qui nous intéresse. C'est très important. Parce qu'il y a une suite. Ah. Ah. Donc mon mari lui a fait l'amour, n'est-ce pas? Et puis moi, je regardais, alors j'ai commencé à éteindre les lumières, j'ai baissé le son de la télé, j'ai allumé des bougies, j'ai mis un petit morceau de David Sanborn ou... Grover Washington, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Bah tu t'es occupé quoi. De l'ambiance. Et puis tout doucement je me suis approchée d'elle et moi aussi j'ai commencé à lui faire l'amour. Ça fait qu'on était deux sur elle. Mais si tu veux, je me suis quand même sentie frustrée dans la mesure où j'étais habillée, je me suis pas déshabillée. Ah t'aurais vu, je t'aurais vu. J'avais mon gros pull avec mes gros chaussettes. Fallait remonter vite fait. Et elle était là toute nue et elle ne bougeait pas, elle était statique. Hein. Mais t'as quand même autant fantasmé que si tu t'étais fait baiser, de toute façon. Parce que dans ta tête, imagine le travail qui s'est passé. Ah bah oui. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais que c'est pas possible. Je veux dire, je suis en train de lui faire l'amour, je suis en train de lui faire tout ce dont je rêve depuis des mois. Et elle le sait en plus, parce qu'à ce moment-là, elle le savait. Parce qu'après, on en a reparlé, elle m'a dit, ouais, j'étais dans un état second. Mon cul, elle était dans un état second, elle était bien là, ouais. Eh bien sûr. Mais ça, c'est l'excuse. Et tu sais ce qu'elle a fait? Non. Elle lui a joui dans la bouche. En pleine bouche, elle lui a fait ça comme ça, et elle me dit à moi après qu'elle était dans un état second. Tu parles, elle a bien pris son pied cette fois-ci. Lui, exactement. Ton mari lui a bouffé la chatte. Ah, hein? Ton mari lui a bouffé la chatte. Et comment qu'il lui a bouffé? Un lichaf de mine, elle lui a balancé tous les petits dans et la elle bouche. A lâché les os. Tout, en plus elle était mouillée quand, putain. Et toi t'étais énervé. Ah ouais, ouais, puis moi j'y suis allé aussi, remarque, j'en ai fait autant. Hein. Ah bah quand même. Ah, bon. Et toi, est-ce que tu lui as écrasé ta chatte sur la gueule? T'aurais bien été habillée. Je vous ai dit que j'étais habillée. Mais elle était avec son caleçon. Ah oui, elle a rien enlevé. Oh. J'ai rien enlevé. J'avais mes chaussettes, mon pull et mon caleçon. Moi, j'étais habillée. Oh là là là là là, quel malheur. Non, quand on reçoit le monde chez soi, faut t'habiller en truc qui s'en va tout de suite. De quoi? Avec des pressions de vent, là, et puis t'as... Oui, un scratch, un truc, oui, oui. Un truc non, non. Et le pire de tout, figurez-vous, c'est que donc, c'était un samedi, un vendredi, donc le samedi soir, on est allé dans une soirée, on s'est défoncé comme des malades, et donc, quand on est arrivé à 7h du matin, moi, je suis allée me coucher, je me suis réveillée le soir à 9h. Ouh là là. Elle est venue... Non, je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai dormi 24h. Oui, oui. Et elle est venue à 10h du soir, j'étais en train de dormir, et ils ont remis ça. Amenée à ma barbe. Tu veux que je te dise maintenant? Vas-y. Elle fantasme. Ouais. Sur ce que vous lui avez fait. Je crois, ouais. Elle veut retrouver ça. Hein? Elle veut retrouver ça. Elle veut retrouver ça, mais elle sait pas de quelle façon, parce qu'elle sait que tu es là. Et... Alors, je sais pas maintenant si elle veut se faire ton mec ou si elle veut trouver cette petite expérience qu'elle a déjà vécue à trois. Ouais. Mais de toute façon, si elle a recommencé, c'est qu'elle fantasmait. Moi, je crois au fond que cette fille-là, elle a envie de faire l'amour avec toi. Et ce qu'elle cherche aussi, c'est à te rendre jalouse. Et c'est pour ça qu'elle est allée voir ton mari. Moi, il me semble qu'elle l'a fait exprès, sachant que tu étais à côté et que tu allais le savoir. Et à mon avis, elle a fait exprès pour... aiguillonner ta jalousie. Alors pourquoi quand on en a reparlé le lendemain, pourquoi elle me dit ouais, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas aimé. Non mais la sexualité te mène à des mensonges immondes. Et puis c'est des choses, évidemment, la première fois c'est un peu dur à accepter quand tu fais un truc nouveau, la première fois, après tu te sens pas forcément très bien, et puis la seconde fois et c'est bon. T'as jamais rencontré des mecs qui ils baissent par exemple une LED? Ouais. Bon. Mais les mecs ils sont comme des fous. Ils ont envoyé la purée comme des fous, comme jamais ils ont envoyé. Oui, j'ai assisté à ça. Et puis après ils disent, je lui ai fait plaisir, j'ai baisé. Après tu le revois 15 jours après avec, main dans la main, tu vois, main dans la main, comme un fou, et puis 2 mois après, il t'annonce les fiançailles. Voilà. Et 7 mois après, tu le vois poussant le landau. Une salope, qu'elle avait les seins qui lui tombaient sur les genoux, qu'elle l'a épongé comme un fou. La fille, c'est elle qui lui a foutu 2 gros doigts dans le cul. Et le mec, il était comme un fou. Voilà. Alors, en fait, ce que je comprends pas dans son comportement, si tu veux, c'est pourquoi elle. Bon, en fait, elle reconnaît quand même. Elle reconnaît qu'elle a pris du plaisir. Mais le fait de recommencer. C'est un aveu. C'est reconnaître. Non, mais en fait, si tu veux, le problème aussi, c'est que nous deux, on a des relations assez particulières dans la mesure où elle sait que moi, je suis... Parce qu'il faut pas oublier que je suis amoureuse d'elle, hein. Je veux dire, c'est pas purement sexuel. Elle le sait, ça. Elle le sait bien. C'est pour ça. C'est un jeu. Mais bien sûr qu'elle le sait. Regarde, quand on a quitté le boulot ce soir, je lui dis bon, je te vois ce soir. Je lui dis qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle m'a dit rien du tout. Je dis bon, tu passes à la maison, Paul y travaille, je suis toute seule. Je l'ai pas vue. Tu vois, je veux dire, j'ai poireauté jusqu'à 10 heures en attendant qu'elle. Peut-être que tu lui as trop fait sentir que tu étais amoureuse d'elle, ce qui fait qu'elle joue avec toi. Essaie de te détacher un peu, tu vois, j'essaie, de faire comme ça. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas prononcé un mot au boulot, du moins, je ne vais pas parler. Ouais, mais il ne faut pas. Mais non, c'est plus de l'indifférence qu'il faut faire. Parce qu'à partir du moment où tu ne lui parles pas, tu évites la communication. Donc elle sait qu'il y a, elle le sait. Elle sait qu'il y a un problème. Dit, Elle me dit qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui va pas. Par exemple, là, il y a eu le pont là pendant 5 jours, on s'est pas vu parce que bon, moi j'étais pas là, mais elle savait pas que j'étais pas là. Mais elle n'est pas venue. Donc, tu vois, je veux dire, tout en sachant que je n'étais pas là, elle n'est pas venue. Elle n'est peut-être pas là. Essaye pas d'avoir un essaye d'avoir un rapport de complice avec elle. Mais oui, mais plus tu diras que t'es amoureuse, plus tu diras que tu veux te la faire. Parce que si vraiment elle voulait te faire dès le départ, elle t'aurait fait dès le départ. Ah ouais, bien sûr. Tu comprends ? Donc plus tu vas lui dire ça, plus tu vas t'enfoncer, moins tu arriveras à te la faire. Et en plus, j'aurais même pas eu besoin de lui proposer de faire l'amour avec elle. Essaye de revenir parce qu'elle a envie de se faire ton mec. Ah ben ça, elle a déjà fait. Bon. Et puis toi, ça te fait plaisir. Parce que tu te dis, comme je suis amoureux d'elle, je partage ce que j'ai et je la tiens avec mon mec. Mais c'est moi qui ai poussé mon mari à faire l'amour avec elle. Hein. Bien sûr, parce que ça te fait plaisir. Ah ouais, ça te fait du mal, mais en même temps, ça te fait plaisir. Ah ouais, ça me tue. Je veux dire, moi, je les ai vus. Putain, ça m'a rendu à moitié dingue. Ouais, mais ça t'a fait plaisir de l'autre côté. Non, mais ça m'a rendu dingue de joie, quoi. Je veux dire. Parce que tu t'es dit, mon mari, c'est la moitié de moi. Et la moitié de moi a fait jouir celle-ci. Donc, en plus, il n'en revenait pas, lui me disait, ouais, j'aime comme t'es et tout, comment t'as pu... Il comprenait pas. Ah, bah, ça va commencer un joli... un joli sabbat. Ça va quoi ? Explique ce que je veux... Et ton mari continue bien à te... Ah oui, tout à fait. Il y aura d'autres expériences si c'est pas avec celle-là. Oui. Tous les combien vous faites l'amour ensemble ? Tous les combien ? Ouais. À peu près par semaine. Hein ? Par semaine. Attends, je sais pas, disons 3-4 fois par semaine. D'accord. Est-ce que c'est plus lui qui réclame ou toi ? Alors, que je t'explique. Quand c'est lui qui... Parce que bon, un homme, quand il fait l'amour avec une femme, il faut forcément, comme vous dites, là, qu'il balance... La purée, les reins, le chouette, le choucard. Alors que moi, des fois, j'ai envie de faire l'amour avec lui, mais sans pour cela prendre mon pied, quoi. Je veux dire, pour le simple fait de se faire caresser ou de... Ouais. Bon, et puis de fantasmer et de... De câliner, quoi. Ouais, mais voilà, ça, c'est agréable, évidemment. Et puis bon, j'avoue que moi, j'aime bien faire l'amour avec lui. Ça fait 11 ans bientôt, et puis ça me... Bon, avec lui, c'est pas systématiquement le missionnaire, ni... Ah non, moi, j'avoue que j'aime beaucoup, c'est... Oui, mais qui commence, par exemple ? Lorsque tu as envie, comment tu fais ? Je lui dis... Ou alors je viens sur le fauteuil avec lui, puis je commence à le caresser. Tu caresses la bite ou tu le caresses... Ah non, je vais directement entre ses jambes. Pas direct. Ah voilà. Alors, les genoux, quand t'as envie, tu caresses entre ses jambes. Il bande tout de suite. Tout de suite, instantané. La bite, ready, direct. Ah, tout de suite. C'est beau quand même. Et qu'est-ce que tu fais ? C'est beau. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien écoute, le problème, si tu veux, chez nous, c'est qu'on est nombreux. On a 4 enfants. Ouais. Et bon, nos ébats sont souvent interrompus par la présence des enfants. Ah, Alors voilà. Mais quand... bon, ça met du piment, je trouve. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, les gamins, ils sont malins. Je veux dire, quelque part, ils se doutent, tu vois, de ce que papa et maman sont. Bien sûr. Bon, il y a les regards qu'on se lance, il y a les gestes qu'on fait. Et puis, bon, puis c'est vrai que mon mari, c'est aussi quelqu'un en dehors du plumard, il n'y a rien, tu vois. Je veux dire, c'est pas le style à te prendre au rebord de l'évier et puis aller hop, un petit coup. C'est pas le mien. Toi, t'aimerais bien qu'il y ait des moments insolites. Ah ouais, moi je veux dire, pendant 5 jours on est parti, je veux dire qu'on a regardé la feuille à l'envers plus d'une fois. Hein. Ah ouais, je veux dire, dans la cambrousse et tout, c'était génial, je me suis fait bouffer par les bestioles, mais c'était super. Hein. Ah. Et alors, quand c'est lui qui a envie, comment il fait ? Quand c'est lui, eh bien, regarde, par exemple, ce soir, bon, déjà, ce matin, il me faisait chier, il était 6h du matin, il était là en train de tripoter, vas-y, que je touche, machin. Et moi, je dormais, il y a une chose que j'horreur, c'est qu'on me réveille quand je dors. Ah, t'es comme moi. Alors, il me chuchotait. Je ne supporte pas qu'on me réveille quand je dors. Alors, il était là, quand est-ce qu'on fait l'amour ? Je lui disais, écoute, pour l'instant, fous-moi la paix, je dors. Et du coup, on s'est levé, on l'a pas fait. Ah. Cet après-midi, j'ai eu ma pause à 3h, on est arrivé à la maison, on n'avait qu'une demi-heure, on n'a pas pu. Ça fait qu'il a envie depuis 6h du matin. Et ben, en partant au boulot, qu'est-ce qu'il m'a dit en créole ? Calébonda. Qu'est-ce que ça veut dire ? Calébonda. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prépare ton cul. Non. Il est antillais ? Ouais, il est antillais. Ah, dis-moi ça. Calébonda. Et ben, je sais que quand il va rentrer à 5h30, et ben, je vais être prête, quoi. Et là, tu l'attends. Ah oui. Tu es préparé, tu t'es habillé comme il faut. Je suis pas du tout. Non, je mets. Bon, déjà lui, il aime pas que je dorme en slip. À poil. Mais non, je garde mon soutien-gorge sûrement en général, ou alors je mets un petit truc sexy. Ça. Et là, quand il va arriver, tu vas faire semblant de dormir. Non. Ah oui. Ah oui, ah hein oui. Non, j'aime pas faire semblant de dormir parce que je trouve que ça fait. Non, je ferai pas semblant de dormir. Ah, tu as tort. Ah, et est-ce que par exemple, lorsqu'il arrive, il peut directement te bouffer la chatte? Ah non. Ah non. Non. Eh, des préambules d'abord. Ah direct. Ah ouais, il faut des préambules. Hein. Ah, donc caresse. Ah ouais, quand même, et puis il faut qu'ils me disent quelque chose, je sais pas, il faut qu'ils me disent que. Que t'es belle et tout, je t'aime. Non, j'aime pas qu'ils me disent que je suis belle parce que, bon, je suis pas une beauté spécialement, et puis bon, mes critères de séduction ne sont pas du tout physiques, donc. Mmh. Bon, évidemment, il faut pas que ce soit un gros lard, là. Bien sûr. Il faut qu'il soit quand même mignon. Enfin, mon mari n'est pas spécialement mignon non plus. Il a changé, remarque, en 10 ans. Hein. Ah, en 10 ans, qu'est-ce qu'il te dit, alors? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime bien qu'il me dise? Moi, mais il y a 11 ans que je suis avec lui. Déjà, il ne me dit jamais qu'il m'aime, parce que c'est un mot qu'il ne prononce jamais. Il est fier. Ah ouais, il y a un truc qu'il me dit tout le temps, c'est ce cul. Quand il est en plein délire, il prend mon cul à deux mains et il est là, ce cul. Ah, voilà. Il est comme un fou pour ça. Il y a l'aide de Fontaine. Et puis en plus, il est malin, il a fait installer un miroir juste au niveau du lit. Voilà, et quand il te baise, il regarde bien, il m'a. Il te demande de te cambrer. Il retourne, c'est-à-dire qu'il retourne. Il me prend un califourchon sur ses genoux, ça fait qu'il a mon cul directement dans le miroir, et là, il se prend un pied. Quel bonheur. Ah ouais, c'est. Toi, tu es blanche, Dominique. Ouais, je suis blanche, moi, un vrai pot de yaourt. Et quand, il y a 11 ans, tu as épousé ton mari, ouais. ça t'a attiré? Sa négritude faisait partie de son charme. Comment? Sa négritude faisait partie de son charme. Non. Non. Non, parce que je vais vous dire un truc, mais là, vous allez mourir de rire. Mon mari a des lèvres comme des rebords de peau de chambre. C'est ça qui t'excitait? Ah, voilà. Et c'est ça que tu aimes? Non, au début, ça m'a pas plu du tout. Je trouvais ça un peu dégueulasse. Hein. Ah, des grosses lèvres, c'est quand même très sexuel. Moi, je trouve ça sublime. Ah, il a une bouche d'enfer. C'est sublime. Et ma copine, au début, elle était en train de critiquer en lui disant, ouais, la bouche qu'il a et tout, mais bon, n'empêche qu'elle a. C'est plus excitant. Raoni. Mais au début, je trouvais pas ça génial. Mais quand je l'ai vu en action, là, j'ai apprécié. Ouais. Voilà ce que je voulais te faire dire. En plus, il fait pas de bruit, tu vois, avec sa bouche. T'as des mecs qui sont en train de faire un taille piaf avec leur bouche là. Ah, c'est vrai. Ça c'est dégueulasse. Vrai. Ça fait un bruit. Ouais. Mais alors, tu montes la musique. Trouvant des bouches comme ça. La bouche de Michel Droit. La Michel Simon. Non, ça c'est. Tu vois, là, il y a des bouches aussi des bouches à la Jean Gabin, j'ai horreur de ça. Ah, voilà. Moi, j'ai horreur des bouches, c'est-à-dire, il n'y a pas de lèvres. Pas de lèvres, voilà. Pas de lèvres. C'est des bouches pincées. Des bouches pincées. En trou dévié. Hein? Un trou dévié. Voilà, et encore. Des bouches comme un trou du cul. Voilà, exactement. Oh, ça dépend des clients qui ont des lèvres. Hein. Ouais. Des bouches en cul de poule. Voilà. Cul de poule, oui. Dis-moi, ma petite Dominique chérie. Oui. Au bout de combien de temps tu commences à avoir les nerfs lorsque tu baisses pas? Ah oui. Eh bien, je vais vous avouer un truc, c'est que je vais peut-être vous décevoir, mais je suis capable de ne pas faire l'amour pendant très longtemps parce que je me masturbe. Ah bah, tu te fais l'amour. Au bout de combien de temps tu sens des pulsions dans ton corps? Ouais. Et à la limite, tu peux contrôler ces pulsions. Ouais. Mais au bout de combien de temps tu sens qu'il faut absolument que tu te fasses mettre? Que je me fasse mettre, pas nécessairement, si tu veux, parce que pour moi, c'est parce déjà... que la masturbation calme. Ouais. Mais après, l'envie recommence. Oh, pas du tout, parce que moi, je prends mon pied. Oui, mais d'accord, non, mais après... Ça a suivi, je crois, Dominique. Ça recommence, et l'envie de te faire mettre devient de plus en plus... C'est comme l'appétit. Fréquente. Ouais. Oh, je sais pas au bout de combien de temps, je sais pas, moi, ça dépend des circonstances. Par exemple, si je me mets à penser à ma copine, c'est sûr que j'ai envie, tu vois. Ah, voilà, oui. Ouais. Ou alors si je vois un beau mec qui passe dans la rue... Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, moi, si je vois un film avec des... Pas forcément un film porno ou érotique, mais quelque une chose... Une situation... Ouais, quelque chose qui soit suggestif. Hein. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Merde. Ah oui, ah. Je voulais vous dire aussi que mon mari a quand même été le premier homme à me faire aller jusqu'au 6e et même le 7e ciel. Hein. Ah, ça t'a rendu des trucs au bord de l'évanouissement. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a fait découvrir que j'étais aussi vaginale. Hein. Et c'est pour ça que tu l'as épousé, entre autres? Non, c'est pas pour c'était ça. C'était après. Mais... Non. Bah écoutez, je vais vous dire, c'est tout bête, je l'ai épousé parce que j'avais déjà un enfant avant d'être avec lui. Oui. Et que j'en attendais une deuxième parce que j'ai quatre filles. Alors je vous dis pas le boulot plus tard. Hein. Ouais, oh là là. Et puis c'est tout bêtement pour ça que je l'ai épousé. Mais, et puis c'est mais tu l'aimes quand même. Comment? Bah oui. Tu l'aimes quand même. Je crois que je l'aime. Vous avez une bonne complicité. On a une bonne complicité, ouais. Je veux dire, on s'entend super bien sur un tas de trucs. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Lui est très musique, moi je suis très littérature. Moi je suis très sociale, je suis très pipelette. Vous avez vu comment je suis bavarde. Lui est quelqu'un de timide et de très calme. En fait, on se complète par nos enfin bref. Mais ouais. tu sais, on peut vivre. Vous complétez en fait. On peut vivre autre que mari et femme. Tu sais, c'est pas, on n'est pas obligé de suivre ce terme mari, femme, ouais, se respecter, baiser le matin, le soir, machin. On peut avoir des rapports de complicité, ouais. de copains, avec du sexe en plus, ouais. et puis constituer une famille aussi, sans avoir le rôle du mari et de la femme, et de je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mangeons du jambon. Mais oui, non, mais c'est pas vrai, on peut avoir d'autres rapports. Tout à fait. Le rapport complice, par exemple, du frère et de la sœur. Non. Retrouver à travers la personne avec qui l'on vit. Bah dans ton cas, c'est pas tout à fait ça, je peux te dire. Un copain, un bon copain. Ouais. Parce que c'est difficile à une fille de dire j'ai un bon copain. Eh ben j'en ai pas en fait. Bon si. Tu vois, de dire j'ai un bon copain qui m'a pas baisé et qui veut pas me baiser. Ça, je pourrais pas. Je crois que c'est impossible. Non, tu comprends ? Non, parce que je crois que je crois qu'au bout du compte, j'aurais envie de faire l'amour avec lui et je pense que je lui ferais passer ce feeling, tu vois. Je veux dire que bon, c'est vrai qu'il on a eu des amis, je veux dire ça, mais j'ai toujours eu envie de faire l'amour avec eux. Il nous est jamais arrivé d'avoir des amis hommes et femmes et que moi je n'ai pas envie de faire l'amour avec le mec sans pour cela aller jusqu'au bout. Hein. Mais oui, non, mais ça c'est une fille qui me dit voilà, c'est mon meilleur copain. Tu entends rarement des filles dire tiens, ça c'est mon meilleur copain, ça c'est vraiment un ami, et que le mec n'ait pas envie de la baiser, n'ait pas envie de lui prendre son blé, pas déjà baisé. Tu vois, n'est pas un intérêt. Un ami comme deux garçons peuvent être copains ensemble. Deux filles peuvent être copains c'est ensemble. C'est possible si tu as déjà baisé avec la personne, avec le mec, après. Et que tu as évacué le problème voilà. sexuel. Mais non, mais et après, avant. C'est des super copains. Ouais. Mais quand tu n'as pas baisé avec, ça pèse sur le rapport. Parce qu'il y a un faux rapport de tout. Voilà. Tu crois que l'autre veut pas, mais tu ne sais pas vraiment. Et puis tu ne sais pas où tu en es en plus. Tu vois, comme mon mari et mon ami, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, jusqu'à maintenant, on était de parfaits amis. Surtout lui et elle, ça y est, maintenant ils ont... Et attends, le pire de tout, c'est qu'il n'a pas pu la pénétrer, elle n'a pas voulu. Ah. Il a jamais voulu, elle a pas voulu... Elle a peut-être un problème... Elle a quoi ? Un blocage quelque part, peut-être C'est-à-dire que, bon, son blocage, il vient du fait qu'elle a un fiancé qui vit en Afrique depuis un an et demi et dont elle attend le retour avec une impatience. Mais ce mec, il a dû lui jeter un sort, c'est pas possible. Elle est accro à ce... Elle a le marabout. Oh, ça devient du délire, moi j'ai même eu envie d'aller l'emmener voir un marabout ou d'aller voir un marabout. J'en connais un très très bien, moi. Ouais, mais elle acceptera jamais, tu rigoles. Hein. Puis elle voit dans les cartes, carte de séjour, supériorité sur le crocodile, vendeuse de repos, supériorité sur le crocodile, vente d'armes, tout. Non, ce qu'il lui faudrait, c'est trois tartes dans la gueule pour la calmer un peu. Je crois que c'est tout ce qu'il fait. Ça me fait chier de dire ça parce que je l'aime beaucoup, mais c'est ce qu'il lui faudrait, quoi, pour lui remettre un peu les pieds sur terre. À mon avis, elle doit être pour Moïse, tu vois. Et puis ça t'arrangerait. Oui, voilà, oui. Parce qu'elle serait un peu assommée, que tu pourrais... C'est pas que ça m'arrangerait, parce qu'à la limite, j'ai obtenu ce que je voulais, malgré tout. Pas complètement, tu le dis toi-même. Ouais, c'est vrai que j'ai pas obtenu complètement. C'est vrai que pour moi, c'est un échec quelque part, parce que c'est pas ce que je voulais. C'est un demi-échec. Oui, c'est un... Parce que, bon, c'est un fantasme un peu spécial, parce que tu vis parfaitement ta sexualité. C'est quelque chose de plus. C'est une petite friandise que tu veux en supplément dans ta vie. Et le pire de tout, c'est qu'elle m'a dit, ouais, bon, tout de suite après, hein, je veux dire, dans les minutes qui ont suivi ça, quand elle a... Bon, parce que la première fois, elle a pas voulu non plus que mon mari la pénètre. Elle a pas voulu. Et tout de suite après, elle m'a dit, ouais, je te ferai plus confiance, tu m'as déçu et tout. Et quand j'ai discuté avec elle le lendemain, je lui dis, bon, est-ce que j'ai toujours ta confiance? Parce que si j'ai plus ta confiance et si je dois encore te décevoir, nos relations cessent tout de suite, c'est plus la peine. Elle m'a dit, non. Laisse tomber la fiance et prends le con. Comment? Laisse tomber la fiante et prends le con. Laisse tomber la daube et prends le pélo. Voilà. Non, et prends le boule. Non, mais ça me fait chier, tu vois, parce que je me dis que je voulais pas que ça se passe comme ça. Je veux dire, mais ça. En plus, c'est une nana, si tu voyais le corps qu'elle a, je veux dire, tu fonds. Elle a un corps, c'est à rendre dingue. Bon, c'est vrai que physiquement, c'est pas une alouette, quoi, mais... Elle me fait tourner la tête, quoi. Bon, Dominique, on va te laisser parce qu'on a encore un appel. Ok. Mais je voudrais que tu me fasses un petit cri de jouissance. Non. Allez, il y a les enfants. Non. Allez, fais-moi un petit. Non, parce que si je me mets à brailler. Doucement. Un petit soupir. Non. Oh, je t'en supplie pour moi. Refais-moi un relais. Je vais dire une chose d'abord. Oui. Je voulais vous dire que c'est la deuxième fois que je vous écoute. Hein. Ah bon? Je vous ai écouté l'autre jour. On est allé ramener des amis chez eux et puis comme ça par hasard on est tombé. C'est 94.4 votre. C'est cela. Et je vous ai écouté, j'étais morte de rire. J'étais mort de rire parce qu'il y a un mec qui racontait que son fantasme c'était qu'un autre mec lui mette un coup de pied dans les couilles et de préférence à un beurre ou un maghreb. J'ai trouvé ça génial et j'ai pas eu le temps de noter le numéro de téléphone. Ah carrément, tu voulais appeler. Ouais, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, on va les appeler parce que c'est trop. Et là ce soir j'ai pensé subitement, je m'emmerdais vu qu'elle est pas venue. Subitement. Et je sais même pas comment vous vous appelez en fait, votre radio. Ça n'a pas d'importance. Ça s'appelle Future Génération et l'émission c'est Lune de Fiel. Lune de Fiel, mais votre radio c'est essentiellement Future quoi. Génération. Il n'y a pas autre chose, parce qu'avant il y a 10 auditeurs avant l'émission. Ouais. Après l'émission il y a 15 auditeurs. Il y a quelques émissions qui marchent très bien, celle de Johan, entre parenthèses. Mais nous avons 980 000 auditeurs qui sont réunis et nous écoutent toutes les semaines. Ah ouais, et je voulais vous poser une question. Oui. Comment vous m'imaginez Alors moi je t'imagine... 1m67-68. Erreur. Combien? 60. Ah, 1m60. Ouais. Tu dois faire 63 kilos. Non, mais 60. Dit, la voyance, c'est sur l'autre chaîne. Hein, 60 en ce kilos. Ouais. Cheveux mi-longs. Non, très courts. Je les ai coupés. J'ai tout coupé. Je les avais au cul il y a 3 ans. J'ai tout coupé. Hein. Ah, moi aussi. Ensuite. Des bonnes petites fesses. Ah, bien ouais, rondes. Ah ouais. Et tu dois faire une taille 38-40. 42, tu vois. 44 dans 8 mois. Et un gros barbu. C'est-à-dire une bonne chatte. un bon tablier de forgeron. Et tout à fait. Et tu as les yeux verts. Non. Marron. Noisette. Voilà. Ouais. En vert, noisette, tu sais, ça vaut près pareil. Hein. Ouais. Voilà. Et tu aimes bien la bite. Tu aimes bien la bite. Et le reste aussi. C'est très bon. Ah. J'aime ce que j'ai, tu vois, c'est ça mon problème. Voilà. Ce que j'ai moins, j'aime aussi. Oui. Mais est-ce que vous trouvez que je suis normale? Tout à fait. Alors là, tout à fait. On ne peut plus normal. Il y a des milliers et des centaines de milliers de femmes comme toi. Des millions. Ok. Mais il n'y en a pas beaucoup qui oseraient en parler comme tu en parles. Et ça me fait très plaisir. Elles cachent souvent leurs envies. Peut-être que suite à ça, vous allez en avoir, qui sait. Mais il y en a, hein, de toute façon. Mais c'est pas parce qu'elle nous appelle pas. Ce qui serait bien, c'est que les filles appellent Dominique, qui aurait vécu à peu près le même genre d'histoire qu'elle. Elle pourrait en discuter, parce que je pense que Dominique aime bien bavarder. Ah ouais, puis moi, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis des années, c'est une analyse. Il faudrait que je trouve un mec, pas forcément un psy, tu vois, mais quelqu'un qui... Mon mari sait le faire, mais avec moi, ça marchera pas. Non, mais fais pas une analyse avec un mec qui, comme ça. Fais une analyse avec un analyste, si tu veux en faire une. Je veux dire, même avec un psychiatre, je suis prête à la faire avec un psychiatre, mais... Fais-le avec quelqu'un de conventionnel. Eh bien, je te recevrai à mon cabinet. Ça sera plus une analyse qu'on va faire, là. C'est une recherche en profondeur. Ah oui, ça... Ah, ça se terminera peut-être... Il est sexologue, hein. Ça se terminera peut-être comme ça. Les enfants, on a dépassé l'heure, déjà. Attends, on a un autre appel. Alors, on a un autre appel, Dominique. Bon, je vais vous conclure, merci. On t'embrasse bien fort, chérie. Moi aussi. Non. Salut. On l'a trop fait attendre. Et je vous rappellerai. D'accord, chérie. Bien sûr. Non, il est trop tard pour prendre un autre appel. Alors, ils vont attendre... Il y a le remix du disque, hein. Ah oui, il y a le remix du disque tout de suite. En attendant, je vous rappelle que pour commander les badges, les 3 badges, 50 francs par chèque. Ou si vous n'avez pas de chèque, vous pouvez mettre un petit billet si vous êtes interdit de checker et tout. Mais de préférence quand même les chèques, hein. C'est plus simple et voilà. Donc en chèque ou en espèces, vous envoyez ça à David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. David Girard, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Vous recevrez les badges dans 48 heures. Il faut bien entendu mettre vos noms et adresses avec votre règlement pour qu'on ne perde pas quand même cette commande, parce qu'il y en a qui mettent leur règlement sans adresse, sans rien, donc voilà, n'oubliez pas. Alors donc les trois badges, il faudra bien entendu en donner un à une camarade ou un camarade, et ça vous apportera le bonheur, la joie et les rencontres et la communication. En ce qui concerne vos messages que vous aimeriez nous laisser, alors vous pouvez le faire sur Minitel désormais, soit nous poser les questions auxquelles nous répondrons personnellement, soit nous laisser des messages personnels que nous recevrons personnellement, soit jouer au jeu du lèche-chat, soit lire le vocabulaire que nous allons mettre en place au fur et à mesure, ouais. Parce que là, il y en a déjà pas mal, mais on en rajoutera au fur et à mesure. Enfin, qu'il y a des gens, sinon... Il y a quoi ? Il y a des gens qui font des suggestions. Oui, et il y a des gens qui font des suggestions de vocabulaire. C'est et... très marrant, il y en a qui sont vraiment très drôles. Oui, et les significations par rapport au vocabulaire qu'ils donnent sont primées, et les meilleurs... le meilleur vocabulaire gagnera t-shirt ou badge de lune de fiel. Alors pour rentrer sur ce service, c'est 3615 lune de 3615 TBM 3615 TBM et vous rentrez sur le choix lune de fiel 3615 TBM et vous rentrez, je crois que c'est le choix 10. Et c'est lune de fiel, vous verrez, ça clignote, c'est parfait. Et puis après, vous rentrez sur le service du bonheur. À ce moment-là, vous pourrez poser vos questions, laisser vos messages, vos suggestions. Et alors, on vous répondra. Voilà. Ensuite, pour la semaine prochaine, j'aimerais qu'il y en ait qui nous envoient des remixes, soit de disques, qui nous envoient des messages de jouissance, des conneries sur des cassettes. Alors, il faudrait que les cassettes fassent de 1 à 3 minutes, maximum 3 minutes, parce que sinon on ne pourra pas toutes les passer. Donc les meilleures cassettes que vous nous enverrez de remix, d'insultes, de jouissances, de conneries, de tout ce que vous voulez, hein, essayez de trouver des idées et les meilleures seront primées. Donc toutes celles qu'on passera à l'antenne gagneront un t-shirt ou 3 badges. Voilà, c'est bien. C'est super. Hein. Voilà, un t-shirt qu'on vous enverra et 3 badges. Alors mettez bien vos coordonnées avec, avec la cassette. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? On a le remix. Et puis, tiens, je vais vous raconter une petite... Qu'est-ce qu'il y a ? Les quoi ? L'émission de jeudi. Et oui, parce qu'on n'a pas pu l'enregistrer nous. Alors ah si oui. Quelqu'un. Et oui, s'il y avait un enculé qui a enregistré l'émission d'aujourd'hui. Il paraît qu'il y en a. Vous pouvez me l'envoyer à moi et puis je vous enverrai un t-shirt. Mais alors, pas trop parce qu'il va y avoir 50 000 cassettes. Oui, mettez-vous d'accord. Il faudra alors, trouver un moyen. Il faut l'envoyer demain matin. Toutes les cassettes que je recevrai après mercredi, on n'enverra pas de t-shirt ou de badge. Voilà. Alors. Demain matin, donc la première cassette, elle gagnera un t-shirt ou un badge. Bon, ensuite, oui, il y a quand même des enculés qui envoient des cassettes dans le midi. Mais vous pouvez continuer. Oh, c'est le marché noir, mais continuez. On ne regardera pas. La meilleure publicité se fait de bouche à bouche. Oui, il paraît. C'est un jour, il y a une femme qui dit à son mari, tiens, je vais t'apprendre à faire le 69 et tout. Alors, ils se mettent en 69. Et puis il y a le mari qui commence à bouffer la chatte de la femme. J'ai l'impression que cette vanne est non. horrible. Et elle se met à péter. Il dit, oh, bah ouais, elle fait, bah attends, ça y est. Alors il commence à lui bouffer la chatte et répète. Oh, il dit, putain, merde, arrête. Alors il lui rebouffe et tout, et elle répète encore une fois. Elle fait, putain, si je dois encore me taper 66 paix comme ça dans la gueule, le 69, tu peux te le carrer dans le fion. Hein. Ah. Bon, le remix maintenant. Et puis après, vous passerez l'original, hein ? Oui. Alors ce remix, vous pouvez le trouver chez Virgin, à la Fnac, à Chandisque. Alors, tu passes le remix et tu passes l'autre cassette après. On se retrouve dans 2-3 minutes. Hey, dis donc, David, fils de pute. Salut, bande d'enculés. Ouais, moi, je suis un PDR. Oui, c'est ça, va cuver, salendive. Oui, bah, reste ouvert, j'arrive. Dans les rues, une main dans le sol, un doigt dans le cul. comme des morues. On se fait bourrer le rectum, on a des pions à com. Quel bonheur. Contre mon boule. Voilà, c'est des cassettes comme ça qu'il faut absolument nous envoyer. Mais des trucs bien faits, avec du son, quelque chose de bien sympa. Écoutez les paroles en plus. Ma petite Zaza, imagine-toi, et prends-moi le pouce gras. Bien sucé, ma grosse enculée, douille-moi, éponge-moi. On se fait ramener le train, on chie comme des bourrins. On se colmate nos petits fions avec des bouts de citron. On est des sacs à foutre, on a des petites virous. On fait des pets foireux, on laisse des traces de pneus. Quel désordre dans cette magnifique œuvre que j'avais enregistrée. Est-ce que tu n'es pas trop triste pour Noël? Quand même, tu te rends compte si on faisait ça Mireille Mathieu, tu suis le lendemain. Alors, tu peux passer l'eau. Alors, l'autre, c'était une vieille cassette qu'on avait reçue il y a 3-4 mois, qui était aussi sympa, qui était sur... je me rappelle plus sur quelle... La chanson n'était pas très... Oui, non, c'était une musique. Mais c'était rigolo. C'était rigolo. Madonna, wow. Ou quelque chose comme ça. C'était aussi sympa. Voilà, Madonna, mon petit chat. Tu vas sucer, là? Tu crois qu'il y a des gens qui m'appellent pour m'enculer, là? Il paraît que le standard a sauté, tu sais, oui. Quand on dit alors, le standard a sauté, ben voilà, il enculer, a sauté. Pour ceux qui veulent enculer David, pour ceux qui veulent se faire sucer par Zaza, ou pour ceux qui veulent bouffer la chatte de Pascal, 43 57 69 70, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone du bonheur. Donc, c'est tous les mardis, de 22h30 à minuit 30, vous êtes branchés sur 94.4, et l'émission, c'est Lune de Fiel. Ah, vous allez écouter cette... Tu l'as remis à zéro, là? Vas-y, tu peux l'envoyer. Alors, c'est quoi le groupe SMC2, je crois? Voilà, c'est bien aussi. C'est au carré. Alors voilà, c'est des cassettes comme ça qu'il faut nous envoyer, ou des cassettes tout simplement sans musique, avec, je sais pas, des insultes, des horreurs, des gentillesses, des lettres d'amour. Ah, des poèmes. Oui, des bisous dans le cou, des menaces de viol, des je te veux, je t'aurai. La bite Lune de Fiel, en provenance de Tronfion, vient d'entrer en chatte. Je rappelle que les cassettes sont envoyées à David Girard aussi, 21 rue de la Chapelle, 75018 Paris, et nous les écouterons personnellement, nous les choisirons et nous les ferons passer à l'antenne. Ainsi que le courrier, s'il y a la même adresse. Viens là que je te fouette, viens là que je te mate. Le glougloutage du siphonneau, ça peut pas se faire par radio. Bande d'endives, bande de penture, faut pas que ça récidive, faut pas me casser les burnes. Pour tous les fans d'une de Fiel, pour tous les fans d'une de Fiel. J'ouvre le petit guichet. Arrêtez de me toucher, oh les journalistes, c'est ça, des bisous dans le cou, fou d'amour pour ton corps. Vive les descentes à la cave, tous les bectages et les gaufrages, toujours avant de baiser, fais le défrisage. Tu te rends compte, ceux qui cherchent comme ça une onde et qui tombent là-dessus sans prévenir, comme ça, à froid. Bonne je crois que ça va faire très peur. Et puis après, on y revient. Tout ce tas d'ordures. Plus de pièges en France. Envie la seconde fois et plaisir à la troisième. Pour tous les fans de Lune de Fiel. Alors je vous rappelle que bien entendu, celles qui passeront à l'antenne seront primées, t-shirt ou badge que nous nous enverrons pour toutes les cassettes qui passeront à l'antenne à partir de la semaine prochaine. J'ouvre le petit guichet. Moi dans un cas, dans une cave, je te ferai un lieu avec ta trompe d'éléphant, je te ferai boire 15 litres de flotte, et je te ferai exploser comme ça avec toute ta chiasse et sort par ton trou, pourri plein de crème de coque. Quelle horreur, mais pourquoi autant d'horreur? Voilà, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 22h30. Alors vous avez du boulot cette semaine, les badges, le service Minitel surtout à nous laisser des messages, des questions, des messages personnels aussi, le jeu du lait-chat à partir de demain, et bien entendu, vos cassettes surtout, 1 minute à 3 minutes maximum. Voilà, à la semaine prochaine, 22h30. Mardi prochain, tu seras pas là, Pascal? Si, peut-être. Ah, peut-être, voilà. On ne sait pas. Et après, il faudra qu'on trouve, lorsque tu partiras en vacances, je une remplaçante bientôt pour les émissions. Je pars famée, donc voilà. C'est bientôt. Hein. Alors, à partir de la semaine prochaine, on passera une annonce pour te remplacer voilà. Pendant les quelques semaines où tu seras absente. Je m'occuperai d'auditionner. Voilà. Alors, à partir de la semaine prochaine, les filles, il faudra nous appeler si vous avez envie de faire cette émission avec nous et remplacer Pascal pendant quelques semaines qu'elle, disons, où elle sera absente. Oui. Donc, il faudra nous appeler à partir de la semaine prochaine ou nous envoyer un petit courrier, même dès maintenant. Et puis voilà. Mais rassurez-vous, on ne vous fera pas de mal. On ne fera que du bien. Quel bonheur. Beaucoup de tristesse. Allez, de vous quitter. Au revoir à tous et à toutes. Et puis, à très très bientôt. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Hein. Au revoir. Oui, voilà, c'est le docteur Ruth. Ils m'ont pas beaucoup laissé parler. Mais je vais faire la semaine prochaine une gros émission sur mon chat. On va dire que docteur Ruth était très très saoul aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a pas laissé parler. Parce que sinon, quelle horreur. Future génération. Et là, c'est la version commerciale, la version originale. Dans les rues, main dans les poches, je suis perdu. Sans amour, vivre la nuit, c'est excitant. Dans l'âge, dans le soir, le temps pour aller retrouver mes amis toute la nuit. Wow. partir de minuit, vous avez rendez-vous avec Malvina et l'innommable pour vous faire fouetter en direct. Exprimez vos fantasmes. Cette émission est strictement réservée aux plus de 18 ans. Vous êtes à la recherche d'un emploi, alors rendez-vous tous les matins de 6h à 12h. Si vous offrez des emplois, rendez-vous tous les jours au 43 57 69 70. Vous les anges et les démons ! Livrez pour de bonnes raisons ! C'est la future génération ! Version rock ! See you, so come on, speak to me. No, no, no, no, no, no.